que ça saute, monte sur mon dos, sur le siège en train. Accroche-toi bien à mes oreilles de lapin. Épileptique, épileptique, dès le réveil, ton ta fantasme. Algorithme écran plasma, cathodique, phosphorescente, obsolescence. Mais non, ça va, pas trop vite, sourire, parfait sous vitre, se nourrir, t'as fait pour vivre, soupir avec sous-titre. Flash, flash, flash, réanimation, électrochoc virtuel, pense pas au prix du rêve. N'est-ce pas un beau projet de changer les idées, divertir les gens, lessiver les mines, pris de vertige et les expédier en inertie dans cette université colorée sans calories. Qu'est-ce que je sens sur ma jolie tête? Je me tâte et constate que sur mes poils blancs t'as vomi, espèce de mal poli. Va au lit, mais je t'attends à la sortie. Ton manège, pas de vitesse, se révèle inepte quand c'est ton polypresse. On s'y tire les cheveux, tout sur nos grands chevaux. Ton fil d'Ariane, Marianne, étonné chevaux. Que pour les chauvas, ipso, facho, pisto, macho. Car cette guerre de phallus finit par me pomper. On va pour le pompon, le crâne bien plein de foutre, de perlin pimpin. Tout ce manège, en somme, je m'en auto, tamponne, je m'en cogne, il est trop chaud. Mes potos qui s'en donnent à cœur joie, feu gré, joie, chacré, soit sur les toits. On brûle ces belles paroles que tu nous plais, doigts, coupe les doigts. Mais cette main de fer avec un brin de sel et des grains de sel. Clic, brac, dans la partition. Et barba, papa, pour ma garnison. La putain de ça speed, j'y repasse. Faut pas être pareil à la vitesse tirée dans un tourbillon de stress. Vitrifié, luxueux, brillant. Il tourne, tourne, tourne dans un parfait silence, silence, suffit. Car le silence nous siffle que si le fil de vie est solide, il ne s'effiloche pas. Mère plaque, je pars. Le manche de costard m'a attrapé par le callback. Je m'accroche à un truc lâche, je n'ai plus le choix. Me voilà dans ce manège. Une fois monté dedans, je mets mes dents dans une boîte. De toute façon, je ressortirai sans vouloir te faire paniquer. As-tu vu un panneau indiquant la sortie? C'est sordide, non. Sentiment malaise, tu balèzes pour ne pas les avoir questionnés. Avant que c'est leur allez-y, allez vite, grimpe à bord. Mets des grilles autour de toi. Le pire dans tout ça, c'est que pour toi, c'est du bénévolat. Un hélicoptère en plastique, je m'amuse avec un jouet. Voilà tout mon rapport à la cité. S'il faut canner le hip-hop, je suis prêt à le faire à la cité. Y'a tellement plus grave dans la vie, je suis en plein milieu d'un safari. Si je suis nul, mon place n'affiche ni mon prénom ni mon nom. Donc si je le salis, j'aurai ni plus la dalle ni trop honte. Les années passées, tout se répète. D'abord j'atteins l'extase, puis l'intégrale de mes richesses finies. Dans une course équestre, tout est perdu. Ils appellent ça la déprime, contagieuse par rétine. Elle échappe à la rétine. Du courage, m'en souhaite, mais surtout pas de me mentir à moi-même. Quand je mets tout sur le tapis, être conseil pour la vie, suffit juste de l'accepter. Emporté par le vent, mais mes neurones ont fini par me laisser. Faut trouver les bonnes queues à faire, puis patienter gentiment. Acheter un ticket pour manège qui dissout les sentiments.